Gergovie est un nom qui claque dans l'histoire de France, notamment celle des batailles, puisqu'avec Valmy ou Austerlitz, elle signe une grande victoire, non pas celle des Français, mais des Gaulois face aux légions romaines. Sur son vaste plateau, au sud de Clermont-Ferrand, Gergovie, capitale des Arvernes, est depuis le 19e siècle l'objet de recherches. D'ailleurs, des fouilles s'y déroulaient encore cet été, et nombre de touristes viennent découvrir l'affrontement de César et Vercingétorix dans son musée, recréé en 2019. L'histoire de Gergovie fut aussi celle d'un lieu de résistance durant les âges les plus sombres de la France contemporaine, celle de l'occupation allemande. C'est cette histoire de jeunes étudiants apprentis archéologues qui nous intéresse aujourd'hui. Marion Dacco, Arnaud Pocris, Laurent Olivier, bonjour. Bonjour. Bonjour. Marion Dacco, vous êtes ingénieur de recherche à la Maison des sciences de l'homme de l'Université de Clermont-Auvergne et dirigez, avec Yann Deberge de l'INRAP, la fouille de Gergovie. Arnaud Pocris, vous êtes directeur culturel du musée de Gergovie. Vous proposez tous deux une belle exposition dans votre musée. Incontournable de l'émission d'archéologie de France Culture, Laurent Olivier, vous êtes conservateur général du patrimoine en charge des collections d'archéologie celtique et gauloise du musée d'archéologie nationale. Mais plantons le contexte archéologique de ces années sombres et plongeons aux origines du nazisme. Laurent Olivier, quelle fut la place et l'engagement des archéologues au sein de l'Allemagne nazie ? Massive. Un engagement, une place absolument massive. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a plus de 85% des archéologues allemands qui sont membres du parti nazi. Pour trouver un tel engagement, il faut aller chez les juristes qui ont voté les lois de Nuremberg ou dans la garde personnelle de Hitler. Donc c'est la profession, on pourrait dire, l'une des plus nazifiées de l'Allemagne. Pourquoi a-t-elle adhéré en force ? Pour plein de raisons. Pour des raisons avant tout d'opportunité, parce que l'archéologie, on va sans doute avoir l'occasion d'en parler, ça revêt une importance idéologique majeure pour le régime. Et donc le régime dote l'archéologie de moyens sans précédent. Crée des postes, développe les missions, permet aux étudiants d'aller travailler à l'étranger, offre la possibilité d'obtenir une position à l'université, dans des chantiers de fouilles. Donc il y a un immense appel d'air qui se crée. Ce qui a manqué à tous ces gens-là, en fait, c'est la conscience de ce qu'ils faisaient. Il faut dire que l'archéologie a un rôle capital au sein même de l'idéologie nazie. En fait, le projet nazi, pour le résumer en quelques mots, c'est tout de même à la base un projet de recolonisation européenne. Et donc, il faut une démonstration historique de la validité de ce projet. Et on va aller chercher dans deux dimensions, qui sont d'une part l'archéologie, et l'archéologie va servir à démontrer que depuis les plus anciennes origines de la préhistoire, l'Europe a toujours été en quelque sorte le terrain de jeu de la race supérieure germanique, avec des très très grosses guillemets. Et puis l'autre pied, je dirais, de cette entreprise, c'est l'anthropologie physique, qui sert à démontrer que oui, ça existe racialement, il y a bien une race dotée de capacités intellectuelles. La race germanique. La race germanique, la race nordique. 86% des archéologues sont nazis, mais plus d'un quart des archéologues appartiennent à l'organisation de la SS. D'ailleurs, l'héritage ancestral, l'âne nerveux, est l'Institut archéologique SS créé par Himmler, qui va essentiellement œuvrer à travers le monde et donc bien sûr en France. C'est une histoire compliquée qui est difficile à percevoir depuis aujourd'hui, parce que ce qui caractérise la structure nationale socialiste, c'est ce qu'on appelait la polyarchie, c'est le fait qu'il y a plusieurs instituts qui sont en rivalité en fait pour prendre en charge l'archéologie. Il y a d'abord ce qu'on appelle le Reichsbund für Deutsche Geschichte, qui est un organisme dominé par Rosenberg, et puis c'est lui qui est dominant à l'origine. Et puis l'autre organisme qui va prendre de plus en plus de place, c'est vous l'avez mentionné, c'est le SS Annenerbe, l'institut scientifique de la SS, dirigé par Himmler. Et curieusement, alors que effectivement l'institut scientifique de la SS va dominer l'archéologie européenne, la France va rester une espèce de chasse gardée de l'institut du parti nazi, en fait. Parce que des contacts auront été pris de manière très très précoce avec la recherche française dès les années 30. Assiste-t-on à une germanisation de l'archéologie française ? semble-t-il, hein, d'ailleurs, puisque la grande revue Gallia, qui fête aujourd'hui ses 80 ans, est une pure copie d'une revue allemande, nazie. Oui, surtout, le premier numéro s'ouvre avec un article d'Albert Grenier qui présente tous les programmes de recherche que les autorités nationales socialistes souhaitent développer en France dans l'optique d'une germanisation de l'archéologie française. C'est-à-dire que le projet, c'est de réécrire complètement la préhistoire pour expliquer quelle est l'œuvre de ces populations germaniques depuis le paléolithique, le néolithique, l'âge du bronze et jusqu'au Moyen-Âge. Arnaud Pocris, l'archéologie nazie va s'intéresser à Bavay, à Carnac aussi. Est-ce qu'ils vont s'intéresser à Gergovie? A priori, non. C'est vrai que Gergovie est vraiment une victoire française, une victoire gauloise, mais du coup récupérée effectivement dans l'histoire, dans le roman national français. Donc a priori, pas d'ingérence de chercheurs nazis dans l'étude de ce site-là. Une chance. Laurent Olivier, les archéologues français sont-ils collaborationnistes pour partie avec Raymond Vaufray, Jean-Jacques Thomasset, Saint-Just Picard, qui appartient à la milice de Darnand et d'ailleurs sera fusillé en août 1944? C'est très variable. En fait, le gros problème de l'archéologie française à ce moment-là, c'est son manque de professionnalisation, le manque de chaires universitaires. Donc la plupart des archéologues sont des amateurs. Et je dois dire que face à leurs homologues allemands, qui ont été formés idéologiquement au projet national-socialiste, ce qu'on appelle la Deutsche Vorgeschichte, c'est-à-dire une préhistoire raciale, en fait, ils se rendent pas bien compte pour la plupart, ils sont flattés du fait qu'on porte attention à leurs recherches, qu'on donne des moyens, qu'on les aide, parce qu'ils ont très très peu de moyens. Et en fait, je crois que pour la plupart, ils ne se rendent pas compte de la récupération idéologique de l'archéologie. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est les raisons donc d'adhésion de ces archéologues français. L'idéologie, c'est le régionalisme, par exemple, l'anticommunisme. Il y a plein de choses, c'est extrêmement varié les raisons d'adhésion, mais il y a aussi quelque chose, je trouve, qui est très français, qui est de ne pas vouloir voir l'idéologie, de penser que l'archéologie c'est quelque chose, c'est une discipline neutre, c'est une discipline qui est la moins neutre possible en fait, et ils ne voient pas, ils ne se rendent pas compte de l'entreprise au service de laquelle ils sont mobilisés en quelque sorte. Arnaud Pocris, à l'université, l'enseignement de l'archéologie germanique prend une ampleur sans précédent, surtout donc bien sûr dans les nouveaux territoires annexés par le Reich. Oui, alors l'université de Strasbourg qui est repliée sur Clermont-Ferrand au début de la guerre, finalement, dès septembre 1939, est remplacée, en tout cas réinvestie par les autorités nazies pour créer une véritable Reichsuniversität, qui est d'ailleurs pour laquelle finalement les Allemands appellent les professeurs et étudiants qui ont été exilés à Clermont-Ferrand à rentrer au plus vite pour reconstituer au mieux cette université qui était prestigieuse en Europe. Laurent Olivier, cette archéologie à Strasbourg, elle va faire de l'archéologie germanique désormais, et sur quel terrain? L'objectif des autorités nationales socialistes, c'est de, ils appellent ça Entwälschung, c'est de défranciser ces régions pour montrer que depuis toute antiquité, elles ont toujours été germaniques et que les deux rives du Rhin, en fait, ont toujours été peuplées par une race germanique qui a réalisé les plus grandes réalisations de la civilisation. Donc, il va y avoir un projet archéologique qui effectivement s'incarne dans la Reichsuniversität. On va aller chercher les meilleurs universitaires allemands pour faire une sorte de vitrine de l'archéologie allemande face à la France. Et montrer qu'en fait, le fondement archéologique, c'est la science raciale. L'archéologie est une science raciale, en réalité. Donc il y a vraiment un projet idéologique derrière toute la construction de l'archéologie allemande de cette époque-là. Alors visiblement, l'université donc de Strasbourg a grosso modo en charge la période romaine, c'est ça ? Absolument toutes les périodes. La grande spécificité de l'université de Strasbourg, c'est les études indo-européennes, ce qu'on appelle les indo-germains. C'est-à-dire de démontrer, en fait, c'est ce qu'on appelle la Deutsche Vorgeschichte en allemand. C'est de démontrer qu'en fait, il y a une identité raciale derrière les vagues de population ou de peuplement des différents territoires occupés par les Germains. Et en fait, c'est de montrer que l'archéologie peut être un outil, peut être une science raciale, peut être une science qui démontre la pérennité et l'ancienneté de l'implantation des races germaniques. Dès septembre 1939, l'université de Strasbourg a été transférée à Clermont-Ferrand, avec professeurs et étudiants. Après la défaite, l'ensemble des universitaires se doivent de revenir à Strasbourg, où l'université est bien sûr désormais allemande. Un professeur va alors avoir une étonnante idée, Arnaud Pocris. Oui, effectivement, Gaston Zeller, qui est un professeur d'histoire strasbourgeois, qui enseigne à Clermont-Ferrand, donc, après sa démobilisation suite à la défaite de 40, donc a eu effectivement l'idée, pour retenir les étudiants à Clermont-Ferrand en zone libre, donc, et éviter qu'ils ne retournent en zone désormais annexée, de créer un chantier de fouilles sur le site de Gergovie. Et comme il n'est qu'historien, entre guillemets, qu'il n'est pas archéologue, eh bien, il s'adjoint les services de Jean Lassus, qui lui est archéologue, spécialiste de Byzance, et donc qui vont encadrer à deux, finalement, une petite équipe, un petit groupe d'une vingtaine d'étudiants volontaires pour aller fouiller à Gergovie. L'objectif, c'est bien sûr de ne pas retourner à Strasbourg. Oui, c'est effectivement d'occuper ces étudiants pendant la saison estivale, pendant les grandes vacances, et éviter qu'ils ne retournent en Allemagne et qu'ils ne deviennent finalement des citoyens allemands. Une maison est édifiée, d'ailleurs avec le concours du général Delattre. Oui, cette maison, elle est assez symbolique, puisque en fait, le général Delattre apporte son appui à ce chantier de fouilles par la mise à disposition de matériaux, d'hommes de troupes et d'architectes même, pour créer donc un abri, un refuge permanent pour ses étudiants pendant les périodes de fouilles. Par contre, la condition qu'il impose, un peu dans l'esprit du temps, c'est que les étudiants volontaires participent à la construction de cette maison, afin qu'ils se l'approprient. Et c'est ce qu'ils vont faire, au-delà des espérances de Delattre. Qui sont ces étudiants ? Alors, ces étudiants... Filles et garçons, d'ailleurs. Filles et garçons, tout à fait. Alors, plus de garçons que de filles. Mais ils viennent d'un peu tous les horizons, en fait. Ils suivent tous les cursus. Vraiment, ce sont des volontaires. Donc, ils viennent de pharmacie, de médecine, de droit, d'histoire aussi, bien sûr, de lettres, qui vont se retrouver là. Ils sont également disparates dans leurs convictions, on va dire. Il y a des royalistes, il y a des communistes, des républicains. Il y a également, au niveau des confessions, une grande diversité... voilà, il y a des juifs, des catholiques, des protestants, des athées, bien sûr. Et en fait, tout le monde va se retrouver autour de ce projet commun. Et finalement, ce projet de fouille archéologique, qui commence d'abord la première année par la construction de la maison qui est censée les abriter, eh bien, ça devient finalement leur foyer et reconstitué loin de chez eux, finalement. Maison qui est une ruine aujourd'hui. Oui, dont on ne voit plus que les soubassements. En fait, la maison a été bâtie sur un soubassement en basalte sur lequel on a fixé des panneaux de fibre-ciment sur une structure bois. Donc évidemment, la partie est en élévation de la maison, n'a pas survécu à l'abandon de la maison à la fin de la guerre. Mais aujourd'hui, il en reste encore effectivement le plan au sol matérialisé par les soubassements en pierre. En hypocrisie, je comprends bien. Donc le seul archéologue, c'est le Jean Lassus, c'est ça ? Oui, c'est Jean Lassus. Qui est professeur d'archéologie. Alors, c'est Jean Lassus au départ, mais qui se fait ensuite assister d'autres professeurs, Jean-Jacques Hatt notamment, qui va être son assistant, puis qui va prendre la suite à partir de 42-43, et qui va poursuivre les recherches jusqu'à la fin de la guerre. Alors, Jean-Jacques Hatt est bien sûr le grand nom de l'archéologie strasbourgeoise, spécialiste de proto-histoire. Vous l'avez connu? Moi, non. Je l'ai connu un peu. Oui, oui. Oui, je l'ai connu un peu. J'ai fait une partie de mes études à Strasbourg, et je l'ai connu un peu, oui. Donc, belle carrière ensuite, à son retour. Et il est devenu le grand spécialiste de la proto-histoire, l'inventeur de la chronologie Hatt, la chronologie de l'âge du fer, premier et second âge du fer. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, Hatt est celui qui va favoriser l'adoption des chronologies allemandes dans l'archéologie française. Comment se fait-il ? Il y a un mouvement de reconstruction de l'archéologie française après-guerre qui se crée sur le modèle allemand. Donc ça pose évidemment toute une série de questions, cet héritage. Et en tout cas, qui importe tout le cadre méthodologique qui se développe pendant la Seconde Guerre mondiale. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Marion Dacco, quel est l'objectif ? Documenter la forteresse gauloise de l'oppidum ? Oui, en effet. Pour la première année, du moins en 1941, donc les fouilles qui sont dirigées par Jean Lassus portent sur la fortification gauloise, donc au sud-est du plateau de Gergovie. À partir de 1942, comme l'a expliqué Arnaud, la fouille passe entre les mains de Jean-Jacques Hatt, qui intervient aussi à la demande d'Albert Grenier, en fait. Jean-Jacques Hatt est à ce moment-là professeur agrégé au lycée de garçons Blaise Pascal, mais il est aussi chargé à l'université d'un cours en archéologie nationale, ce qui fait de lui finalement l'archéologue le plus légitime pour conduire des fouilles à Gergovie. Peut-être plus que Jean Lassus, qui est quand même archéologue byzantiniste, qui conserve l'encadrement des étudiants. Donc Jean-Jacques Hatt s'investit avec force finalement à Gergovie. Il conduit son premier chantier à titre personnel. Il a été formé donc auprès de Robert Forer, puis il est passé sur le chantier des Pécards et Gergovie constitue son premier chantier. Avec les étudiants toujours ? À Gergovie avec les étudiants. Tout à fait. Donc à partir de 1942, il va décaler ses observations et il va investir un secteur clé du site qui est un des points d'accès majeurs à la ville fortifiée, probablement l'entrée principale. Et il va pendant 3 ans s'investir dans ce secteur pour un petit peu reprendre la fouille des précédents fouilleurs qui sont intervenus dans les années 1930, ce qu'on appelle le comité Pro-Gergovia, qui est une équipe de fouilleurs franco-britanniques. Et donc, ces fouilleurs anglais interviennent aussi suite aux premières campagnes de fouilles qui ont eu lieu préalablement à la visite du site par Napoléon III. Donc, ce qui fait que c'est un secteur qui a aussi été étudié après-guerre, donc à l'heure actuelle. Tout le monde fouille la même chose. À plusieurs reprises. Et donc, l'ensemble de ces fouilleurs vont mettre au jour une cinquantaine de tronçons de murs qui se distribuent sur le rebord du plateau et qu'ils vont identifier à la fois comme des vestiges de la fortification du site et comme des petits bâtiments dévolus à l'artisanat du métal. Et c'est à ce moment-là que le secteur prend le nom de quartier des artisans. Qu'est-ce qu'ils trouvent vraiment ? Alors véritablement, donc une grosse cinquantaine de murs qui sont d'abord des constructions sommaires en pierre sèche, puis plus massives et liées au mortier de chaux. Selon eux, ces constructions donc sont bâties en plusieurs phases dans les dernières décennies du 1er siècle avant Jésus-Christ. On va dire jusqu'aux années 20 de notre ère. Alors ce qui est très intéressant, Marion Dacot, c'est que ce secteur a été refouillé il y a très récemment. Alors effectivement, on a... Encore une fois. Encore une fois. Alors on a repris les fouilles de secteur l'année dernière. Donc on en est à la deuxième campagne de fouilles. Alors, ça nous permet d'une part de pouvoir retrouver ces travaux de fouilles anciens, donc de pouvoir étudier l'évolution des méthodes, la façon dont ils ont investi ce secteur-là. Donc, on va retrouver leurs travaux, soit des tranchées de fouilles, soit, on va dire, la réalisation de tranchées très étroites pour suivre les maçonneries, ou au contraire une fouille en aire ouverte de plus grande dimension, voire même des sondages exploratoires extrêmement invasifs. Bon, on se rend compte que malgré leurs interventions, ils n'ont pas épuisé tout le potentiel du site, puisque celui-ci est quand même assez inégalé pour l'ensemble du plateau de Gergovie. On voit que la stratigraphie est très développée, de 2 à 3 mètres d'épaisseur par endroit. Les structures sont relativement bien préservées, avec des sols construits, des élévations. Donc des vestiges qui se rapportent à 3 voire 6 phases d'aménagement, avec des marqueurs chronologiques donc qui renvoient, on va dire, majoritairement à la fin de l'âge du fer, jusqu'à la fin du règne d'Auguste. Arnaud Pocris, où en est-on aujourd'hui de toutes ces fouilles de Gergovie ? Qu'est-ce que l'on a fouillé ? Qu'est-ce que l'on aura encore à fouiller ? Alors, en fait, ce qui a été fouillé, comme le secteur du quartier des artisans, c'est finalement les fouilles récentes se sont concentrées sur des secteurs qui avaient été fouillés dans les années 30 et même au 19e siècle pour justement contrôler les découvertes passées, en élargissant évidemment les fenêtres qui ont été ouvertes. Et si on peut émettre un vœu pour la suite, c'est qu'effectivement, à un moment, on arrive à fouiller des secteurs d'habitat, ce qui manque aujourd'hui. On a des secteurs de fortifications, un sanctuaire, des portes, mais assez peu finalement de secteurs d'habitat ou alors fouillés anciennement. Voyons le troisième volet donc maintenant de ce sujet, la résistance. La résistance fut souvent un engagement plus ou moins individuel. Ici, nous voici devant un projet collectif. Alors, c'est délicat à dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le collectif a favorisé l'engagement individuel. C'est très clair, puisque, par exemple, ces étudiants se retrouvaient tous les matins et tous les soirs autour du drapeau français pour chanter « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine », ce qui est un peu un élément qui a soudé leur refus à la fois de l'abandon de l'Alsace par le régime de Pétain et leur volonté de rester en zone libre, en zone non occupée, et voir après de pouvoir retourner dans une Alsace française. Laurent Olivier, vous parlez d'utopie archéologique. Je crois que ce qui caractérise les Gergoviotes, c'est que finalement ils sont pris entre deux feux, comme vient d'expliquer Arnaud. Il n'est pas question pour eux de rentrer en Alsace nazie, et en même temps, il n'est pas question pour eux d'adhérer à l'idéologie vichiste, collaborationniste. Et finalement... comme Arnaud l'a souligné, c'est des gens qui ont des profils complètement différents, ils ont des confessions différentes, ils ont des opinions politiques et des engagements politiques différents, mais il y a quelque chose qui les soude. Et ce qui les soude, c'est finalement c'est l'esprit de résistance qui les entraîne dans les mouvements de résistance à l'occupation allemande. Je pense qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que c'est l'archéologie qui est le berceau de ça. Justement, Arnaud Pocris, ces étudiants sont recrutés au sein d'un réseau de résistance, le mouvement Libération Sud, basé dans le village donc de Gergovie, et créé par quelques personnages clés de la résistance française. Oui, notamment Jean Cavaillès, en fait, qui est professeur de philosophie à Strasbourg, qui se retrouve à Clermont-Ferrand au début de l'année universitaire 40, et qui va très rapidement fonder effectivement Libération Sud, avec notamment Dastier de la Vigerie et Lucie Aubrac. Ce mouvement va commencer par imprimer des journaux clandestins qui vont devoir être diffusés. Et pour pouvoir diffuser ces journaux, eh bien, Cavaillès puise dans le réservoir de ces Gergoviotes qui n'attendent que ça sur le plateau de Gergovie. 30 août 1942, Pétain est à Gergovie pour un grand événement de l'État français, la fête de l'Union nationale. Pour mieux comprendre le contexte, on écoute une archive de France Éclair conservée par Lina. Déjà par le courage et la vaillance de ceux qui gravèrent les premières pages de notre histoire, Gergovie devient aujourd'hui le symbole de l'unité française. Sur le plateau où Vercingétorix combattit, le soleil naissant éclaire ce matin les mouvantes cérémonies organisées par la Légion des combattants. Les terres venues de tous les coins de la France et de l'Empire sont réunies dans un mausolée dont la dalle sera scellée par le maréchal. Descendait vers Clermont-Ferrand où l'attend le président Laval. Une tribune tendue de pourpre, le sauveur de la patrie assiste à un impressionnant défilé. Maréchal se rend place de Jaude, où l'attendent les légionnaires rassemblés pour renouveler leur serment de fidélité. Devant un auditoire fervent, c'est au pays tout entier qu'il s'adresse. Légionnaires de la France et de l'Empire, volontaires de la Révolution nationale, en ce deuxième anniversaire de la fondation de la Légion, je vous renouvelle le témoignage de ma confiance et de mon affection. Trop de Français regarde en arrière et croit encore possible un retour vers la facilité et l'ancien régime. Professionnels de l'élection qui ont perdu leurs privilèges, bourgeois d'affaires aveuglés par leur égoïsme, trust avide de retrouver leur hégémonie, administration souvent passive, sinon hostile. Je n'admets ni le doute, ni les surenchères, ni les murmures, d'où qu'ils viennent. Marion Dacot, Anopocris, c'était chez vous il y a 81 ans. En tout cas, en 1942, les étudiants archéologues créent un groupe franc, Combat étudiant, et les actions s'intensifient, Anopocris ? Oui, tout à fait. Un des fondateurs de ce mouvement, Jean-Paul Cauchy, est un gergoviote depuis quasiment le début, étudiant en histoire, et donc lui va organiser cette résistance interne au mouvement étudiant, et à partir de là, effectivement, on va rentrer dans une phase beaucoup plus active de la résistance, avec les poses des premières bombes et, qui, à Clermont-Ferrand, sont posées par des gergoviotes. Ces bombes, elles sont destinées à qui ? Alors, elles sont destinées aux associations collaborationnistes. Elles sont destinées même aux représentants du gouvernement de Pétain. Notamment, un attentat qui a manqué était destiné à Pierre Laval, organisé par deux autres gergoviotes. Donc voilà, dans cette phase-là, en tout cas, et avant l'envahissement de la zone sud par l'Allemagne, donc en novembre 42, eh bien, ce sont vraiment les représentants du gouvernement de Vichy et les collaborationnistes qui sont visés. C'est de la vraie résistance, forte, violente. Oui, c'est de la vraie résistance et qui entraîne aussi une entrée en clandestinité. C'est pour ça que assez rapidement, et donc dès le printemps 43, l'année suivante, au moment où justement les étudiants strasbourgeois, notamment les résistants, sont pourchassés par la Gestapo cette fois, eh bien la maison des étudiants sur le plateau de Gergovie va être symboliquement fermée par le premier groupe des gergoviotes qui vont ensuite se disperser dans différents mouvements de résistance. Ils seront plus ou moins trahis, c'est ça aussi ? Alors il y a effectivement cet épisode de la rafle de l'université de novembre 43 qui dirigeait véritablement contre les étudiants, les israélites, les étudiants strasbourgeois et les résistants. Et donc, pour laquelle, eh bien, finalement, c'est l'adjoint même de Jean-Paul Cauchy qui va trahir son réseau et dénoncer les membres de ce mouvement de résistance. Donc 1943 voit de nombreuses arrestations, mais aussi des déportations. Oui, donc il y a 1200 étudiants et professeurs qui sont arrêtés au cours de la rafle et 130 qui sont maintenus en détention et ensuite déportés, et parmi lesquels de nombreux gergoviotes encore une fois, notamment Stéphanie Kuder, qui a un rôle très particulier puisqu'elle était secrétaire de l'université, faisait partie des premiers gergoviotes et avait monté un réseau de fourniture de faux papiers. Certains étudiants rejoignent alors les forces françaises libres, d'autres groupes donc de résistance. Aujourd'hui, Gergovie, ce serait presque un double lieu de mémoire. Oui, effectivement, puisque sur place et au niveau de la maison des étudiants, se trouve érigée une stèle qui rend hommage aux morts du groupe de Gergovie, au groupe des gergoviotes, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc cette pierre a été érigée en 1951 et par la suite, eh bien, à plusieurs reprises, le groupe des gergoviotes s'est reconstitué épisodiquement pour rendre hommage à cette période passée sur le plateau tous ensemble et évidemment à ceux qui sont disparus. Laurent Olivier, Anopocris, Marion Dacot, un grand merci. Donc je rappelle le titre de votre exposition, qui se passe bien sûr au musée de Gergovie, Les Gergoviotes des étudiants en résistance, 1940-1951. Carbone 14 était réalisé par Laurence Millet, à la technique Jean Guilain Meige et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chapon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr.